chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. On va parler de golf, on va commencer une chronique habituellement par les années passées, on le faisait également avec les gens du club de golf de Dolbeau-Mistassini, et cette année, il y a une nouvelle administration, donc ça a pris un petit peu plus de temps à démarrer, mais on va commencer toutes les semaines maintenant avec le relationniste du club, lui qui s'occupe des communications, Dominique Caouette. Bon matin, M. Caouette. Bonjour, M. Caouette, comment ça va au club de golf cette année? D'abord, c'est votre première expérience dans le conseil d'administration. Comment vous trouvez ça? Je trouve ça intéressant. C'est positif. Les golfeurs s'amusent bien. Bon. M. Caouette, est-ce que cette année, c'est sûr, c'est une statistique que j'aime bien, j'aurais dû vous en parler avant de rentrer en nombre, mais je vous n'en ai pas parlé. Est-ce qu'on enregistre une hausse ou une baisse au club de golf cette année, jusqu'à maintenant? Là? Au départ, on a eu un certain retard, étant donné que la saison a été ralentie à cause du froid. Okay. Mais là, maintenant, je pourrais pas vous dire exactement, là, mais ça va bien. Ça. OK. Dites-moi, au cours des dernières journées, qu'est-ce qui s'est passé au club de golf? Au cours des dernières journées, c'est que les dames, lorsqu'il y a un tournoi senior à l'extérieur de Dolbeau, alors les dames, le tournoi senior est masculin, alors les dames s'organisent une activité. Ok. Alors ce dernier mardi, elles se sont fait une petite rencontre sociale. Ok. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant au cours de la prochaine semaine? Ce qui s'en vient, vendredi après-midi à 15h, il y a un shootout de la classe B. Ok. Alors, c'est une rencontre où il y a 10 joueurs et il y a un joueur d'éliminé à chaque trou. Et à la fin, il y a deux joueurs qui demeurent sur le trou numéro 9 et il y a un gagnant okay. Qui est en caisse. OK. Et le montant, il est combien? L'inscription est de 40 $. OK. Et, ça comprend, je crois, une bière puis des hot dogs à la fin. Puis... c'est tout. Alors, le reste est distribué OK. Il y a trois bourses. Je pense qu'il y a de quoi dimanche aussi, hein? Dimanche, c'est... Le Dolbeau reçoit le concours régional. OK. Le concours régional, ce qu'on appelait anciennement les Field Days. Alors, chaque club de la région reçoit le concours régional. C'est une compétition masculine... régional pour les hommes. OK. Puis ça, c'est un peu partout, j'imagine. Ça vient de partout, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Oui, ça vient de partout, Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Puis on attend une soixantaine de joueurs. OK. Là, c'est sûr que les activités vont être plus... vont être au ralenti parce qu'évidemment, on va demander aux gens, évidemment, on laisse la chance aux parties régulières, là, ce qu'on appelle les green fees. Donc, il y aura plus de green fees au mois de juillet parce qu'évidemment, c'est rentable pour le club. Oui, on attend beaucoup de monde lors des vacances. Ouais. Oui. OK. Ben, M. Caouette, on va s'en parler à tous les semaines. Voilà, donc c'était le relationniste du club de golf de Dolbeau-Mistassini, Dominique Caouette.